16 ans. Ça va? Ouais. Ouais. Tu fais du football? Ah, t'es sur ta batterie? J'étais à la batterie. Ah, d'accord. Tu remontes dans ta chambre alors? Ouais. Ah, super. D'accord. Alors, t'es confortablement installé? Ouais. Bon. Alors, tu sais, je suis en train de faire un truc, si t'es d'accord. Est-ce que t'es d'accord pour que je nous enregistre la discussion? Ok. Ok, ça te va? Ouais. Non, mais ce que ça peut être sympa parce que je t'enverrai un lien. Et puis, tu pourras l'écouter dans un an, dans 10 ans. Quand tu seras marié. Quand tu voudras parler du confinement à tes enfants. Ouais. Ouais, c'est marrant ça, non? Hein? C'est marrant, non? Tu dis plus rien? Ouais. Bon, à part ça, est-ce que tu passes du bon temps? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Ah ouais, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? J'ai bronzé dans mon lit. T'as bronzé dans ton lit. C'est vrai? T'as une lampe à bronzer? Non, mais il y avait du soleil. Regarde, il y a du soleil, là. Ah, ouais. Alors, donc, tu te mets dans ton lit, tu te mets à poil, et puis tu bronzes? Non, mais je bronze, quoi. Tu bronzes? Ça se voit pas beaucoup, hein. Ça se voit pas beaucoup. Bon, à part ça, alors à part bronzer, qu'est-ce que t'as fait de beau tout ce week-end, tous ces jours derniers? Le week-end ou aujourd'hui? Le week-end, et puis après tu me diras aujourd'hui. Le week-end, j'ai fait un peu de batterie, j'ai fait un peu comme d'hab, quoi. Un peu comme d'hab, d'accord. Alors, à propos de batterie, tu as vu que je pouvais pas lire ta vidéo? Oui, j'essaie de te l'envoyer par Google Photos. Eh ben oui, mais je peux pas la lire. Non plus. Ah ben, attends, tu me l'as envoyé que par Google Photos, pas autre chose. Ah bon? Ah ouais. Je t'ai demandé de me l'envoyer sur YouTube. Je t'ai demandé de me la faire passer avec WeTransfer. Je t'ai demandé tout ça. Alors, tu lis pas les mails de ton papy. Hein. Tu sais, tu m'as dit... je croyais qu'en fait, tu n'avais pas envoyé par Google Photos. Je t'avais envoyé en normal. Et en fait... envoyé avec Google Photos, mais je savais pas si t'avais vu ou pas. Ah, mais tu me l'as pas envoyé en normal. En normal, c'est YouTube. Non, normal, c'est normal, genre la photo comme ça. Ah, mais je l'ai pas eu ça. C'est pas très au point la communication de Monsieur Jason Knecht. Bah si, c'est toi, c'est pas très au point la réception de Monsieur Black Belair. Ouais, mais Monsieur Black Belair, il te dit que il a reçu un seul mail avec une seule vidéo dessus qu'il n'arrivait pas à lire. Et ça, c'était hier après-midi. Alors, il t'a dit qu'il allait essayer un peu plus tard. Donc, hier soir, j'ai pas pu non plus. Et puis, je t'ai dit que j'allais lire ça ce matin. Et ce matin, j'ai pas pu lire. Alors, je t'ai mis un mail, Monsieur Jason Knecht, pour te dire que si tu peux me l'envoyer avec WeTransfer, pour te dire que si tu peux trouver avec YouTube, je serais ravi d'accueillir cette vidéo. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ah. Là, je peux le faire maintenant si tu veux. Non, tu le feras après. Attends, parce que maintenant, on cause. Alors, qu'est-ce que tu m'as envoyé en vidéo? Qu'est-ce que c'est? C'est un rythme endiablé? Ouais. C'est vrai? Tu t'es éclaté? Ouais, c'était une musique des Who. Une musique de quoi? Des Who. Ah, des Who. Très bien, ça. J'ai bien connu cet orchestre-là. Et tu... Attends, je suis en train de vérifier. Ouais, on en enregistre bien. Des Who, mais c'est pas tout jeune, ça, hein, les Who. Ouais. Mais c'est bien, c'est très bien. Et alors, il y a un beau solo de batterie, là-dedans? Il y a un bon rythme qui te plaît. Ouais, une bonne pattern. Ah, super, ça, super. Et c'est bien d'avoir pensé à moi, c'est super bien. Et comment tu l'enregistres, ton son? Avec quoi? Avec ton téléphone? Avec quoi? Avec mon Osmo. C'est quoi l'Osmo? C'est comme une GoPro, mais la marque Osmo. Ah, d'accord, avec ta GoPro. D'accord, ok. C'est bien. Et elle fait le son en même temps? D'accord. Et t'es content du son? Ouais. Ouais, d'accord. C'est bien ça. Enfin, surtout la qualité de l'image. Après, le son, il est... Ah ben, attends, c'est important. Et quand tu fais de la batterie, c'est d'abord le son. Mais il est bien le son, il est très bien le son, mais Et c'est surtout la qualité de l'image qui est bien. ah, d'accord. Bon, ok. Bon, et alors, qu'est-ce que tu as comme autre projet de batterie? Bah là, je suis en train de travailler sur un rythme rock. Ah ouais, et c'est-à-dire? Mais c'est dur parce que j'y arrive un peu, mais il y a des ghost notes et tout ça, c'est chaud. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Bon, attends, parce que y a Michaela qui fait le ménage, alors je vais lui dire d'arrêter, parce que comme j'enregistre, c'est un peu le foutoir, je vais t'expliquer ce que je fais. Attends, déjà, Valérie, moi chérie, je suis à causer avec Jason, et c'est pas top, l'aspirateur. Ah bon, alors je t'explique, Jason. Nous avons un aspirateur robot. Tu vois, un truc qui marche tout seul. Et alors pour qu'il marche tout seul, il a une base. Et puis, quand tu appuies sur le bouton, bah, il part. Il va dans tout l'appart. Il tourne et il retourne à sa base. Là, il n'est pas retourné. Mais bon, donc on est en train de s'arranger avec ça, mais bon, on a chacun nos petits soucis. Ouais, alors donc, qu'est-ce que je te disais là qu'il fallait? Ouais, le son, hein, c'est hyper important, hein. Privilégie le son toujours avant la vidéo. La vidéo, bon, on peut l'imaginer, mais le son, c'est toi et ta batterie. Ça dépend où tu mets ton micro, où est-ce qu'il est le micro quand tu prends. Il est dans la GoPro, ouais. Mais quelquefois, si tu veux, tu peux avoir besoin d'un micro à un endroit et d'une vidéo à l'autre. Ah ouais, donc tu as d'énormes progrès à faire. C'est vachement bien ça. Tu vas devenir un. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah oui, je voulais te féliciter parce que la qualité de la photo, elle est bonne. Je te vois bien, tes cheveux sont bien nets. Voilà. Et toi, est-ce que tu me vois bien? Pas plus? Sans plus? Ben, j'ai déjà vu mieux, mais ça passera Ah, t'as mieux. déjà vu mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu vois mieux? Bon, je sais pas. Bon, écoute, on verra. J'espère que l'enregistrement va être bon parce que. Alors, le beans, c'est. Je cause avec toi sur Instagram, sur mon smartphone. Oui. Parallèlement à ça, j'ai une tablette à côté de moi sur laquelle j'ai un enregistreur, un logiciel d'enregistreur. Et puis, j'ai ici, là, tu le vois, là, mon micro-cravate. Et alors, le micro-cravate, il écoute Papy, il écoute Jason, et il l'enregistre sur la tablette. Bon, c'est un peu le jbeans, parce que je voulais tout faire en même temps sur le smartphone. Hein, plutôt que d'avoir un smartphone, une tablette, etc. Et il se trouve que depuis quelques mois, peut-être années, mais c'est très peu de temps, on n'a plus le droit d'enregistrer les coups de fil, les échanges sur Instagram, sur Messenger, sur tout ça. Et on n'a plus le droit, c'est la loi. Alors, du coup, je suis obligé de tricher. Mais je triche qu'à moitié, parce que tu es bien au courant que je t'enregistre et que tu vas dire des choses pour l'éternité. Ouais, bon. Alors, à part ça, donc ce week-end, à part bronzer, de faire de la batterie, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Jouer avec mon pote, Charlie. Ah, ça c'est bien, tu joues à quoi? On joue à plein de choses. On joue à Clash Royale, on joue à Plateau et on joue à Gario et Slither.io. Ah ouais, c'est quoi ce dernier truc que je connais pas? C'est des jeux, c'est des. Des jeux. Voilà, c'est des. Je sais pas comment expliquer. Bon, t'explique pas. Et donc, tu as joué longtemps? Combien d'heures t'as joué? Je passe, ça dépend. Ça dépend quand il est là, combien de temps il est là. Ah, d'accord. Et Pas quoi. tu joues jusqu'à épuisement de tes batteries. Non, parce que je me charge directement après. Ah, tu te charges. Et là, en ce moment, est-ce que tu te charges? Oui. Ouais, bravo. Ouais, super. Super, super. Bon, donc, tu as fait tout plein de jeux. D'accord. Tu n'as pas fait tes devoirs. Le week-end, non, je fais pas les devoirs le week-end, parce que Le. je me repose. Ouais, t'as raison, hein, parce que. Et là, est-ce que tu es à jour de tous tes devoirs? Ouais, d'accord, ok. Bon, tu veux en parler? Tu Si tu veux. fais des choses intéressantes? Non, mais est-ce que tu as des choses intéressantes à me dire? Aujourd'hui, j'avais un truc en espagnol, des questions à faire sur le musée de l'or Ah, je et t'écoute. sur les. Mais il est où le musée de l'or? Il est en Colombie, à je sais plus où, voilà, Gabato, un truc comme ça là. D'accord. Et alors, ça rejoint bien ce qu'on se disait l'autre jour, des conquistadors qui ont été chercher plein d'or pour ramener dans leur pays. Et alors, les Colombiens, ils en ont encore de l'or? Ils n'ont pas tout ramené? Bah, je sais pas, c'est le musée de l'or, quoi. Ils n'ont pas fait le boulot, les Espagnols. Ils ont tout ramené aux Colombiens. Et alors, les Colombiens, qu'est-ce qu'ils font, à part la drogue? Il y a beaucoup de drogue là-bas. Et donc, le musée de l'or, est-ce que ça finance la drogue? Non, c'est. Je sais pas. On travaillait juste sur. C'est un truc en espagnol, du coup, c'est. En français, c'est pas trop historique, c'est plus sur travailler l'espagnol. La langue, d'accord. Tu parles espagnol un peu? Un peu. Ça fait combien d'années que tu fais de l'espagnol? Depuis la cinquième, je crois. D'accord. Là, puis la cinquième. Sixième ou cinquième, je sais plus. Ah, la deuxième langue, ça vient peut-être en cinquième. La première langue, c'est en sixième, non? L'anglais, tu l'as fait en sixième ou avant? L'anglais, tu l'as fait enfin, c'était en élémentaire, en école élémentaire aussi. Ah ouais, c'est bien. Ouais, vous commencez vachement plus tôt. D'accord. Il y en a même qui faisaient portugais en élémentaire. Ah ouais, portugais. Et portugais, ils faisaient portugais en fait. Mais parce que leurs parents sont portugais, sans doute. Ouais. J'imagine. Ouais, t'es pas sûr. Quasiment. Quasiment. Ok. Bon. C'est bien. Alors donc l'espagnol, c'est quasi bouclé. Qu'est-ce que tu as d'autre encore à faire? J'ai eu un QT pour m'entraîner à une évaluation qui aura lieu prochainement. Ah, mais dans quelle matière? Sur l'insertion des citations. Oula, si tu peux me parler de ça, parce que je comprends même pas ce que ça veut dire. En gros, c'est pour pas faire des erreurs quand on insère une citation, faut pas faire de répétition ou intégrer la citation dans la phrase. Faut pas dire une phrase et rajouter la citation à part. Ça fait une répétition, faut dire une phrase, faut que ça soit, la phrase elle soit cohérente en français et pas la citation. Super, ouais, c'est bien. Donc, en fin de compte, la citation, c'est elle qui va remplacer une partie de la phrase. Ouais. Tu peux me donner un exemple ? Je sais pas, moi. Tu sais pas, toi. Hein ? Tu sais pas. C'était quoi les citations ? Tu sais plus. Bon. C'était... Voilà. Bon, ok. Bon, ça t'a pas beaucoup passionné. Sinon... Si, j'ai pris, mais... Je sais pas d'idée de citation. C'est un exercice, je sais. D'accord. D'accord, ok. Et est-ce que tous tes professeurs t'ont donné des devoirs à faire ? Qui est-ce qui t'en a pas donné? La SNT, c'est la techno. Ils ont pas donné. Ah bon? Pourtant, c'est pas très difficile de donner des devoirs sur des plateformes vidéo. Mais moi, j'ai aucun prof qui fait sur des plateformes vidéo. Ouais, ils t'envoient des fichiers. Voilà, sur Pronote. Ah, sur Pronote. Donc, il t'envoie un fichier avec le texte de ton devoir, etc., quoi. Et puis, il te pose des questions là-dessus. Ouais, et il y en a qui font aussi des QCM comme évaluation sur Pronote. On peut faire ça. Et du coup, ils peuvent nous donner un temps limité pour faire un nombre de questions en QCM et tout ça. Et après, on a une note. Et comment ils contrôlent le temps limité ? Bah, c'est eux qui choisissent, ils doivent faire, je sais pas, créer un nouveau, ça s'appelle un e-devoir, et ils font les QCM comme ça, et voilà. Ah, d'accord. Et le temps limité, c'est un jour, deux jours, ou des choses comme ça? Non. C'est quoi? En heures? C'est en minutes? C'est en fait, il y a un temps limité, il y a plusieurs temps limités, genre il y a un temps limité, genre le devoir, faut le faire... Par exemple, entre 9h et midi, mais tu le fais quand tu veux entre 9h et midi. Ouais. Et quand tu veux l'activer, dès que tu vas activer pour commencer la première question, par exemple, en tout, le QCM, il va durer que 10 minutes. Après les 10 minutes, si tu n'as pas fini toutes les questions, ça s'arrête et c'est comme ça. Ah, ouais, c'est donc... Attends. Pronote, c'est... Non, c'est... j'essaie de comprendre comment est organisé ton travail. Donc, Pronote, c'est un logiciel très interactif qui va se déclencher dès que tu l'ouvres et qui va se finir quand tu le fermes. À peu près, quoi. Ouais, voilà. C'est pas Pronote, c'est le e-devoir de Pronote. C'est le e-devoir de Pronote. Pronote, c'est la plateforme. D'accord. D'accord. T'as un code pour rentrer là ? Ouais. D'accord. Et si je veux faire les devoirs à ta place, comment ça se passe ? Bah, je te donne le code. Oui, et je fais ton devoir. Ouais. Ouais. T'as des copains qui font ça ? Non. Non. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est amusant. Bon, moi je trouve que c'est une bonne expérience. Est-ce que vous en servez indépendamment du confinement, est-ce que vous en servez tout au long de l'année? Ouais, la plupart du temps, ça nous aide pour les emplois du temps. Parce que quand les emplois du temps, semaine A et semaine B, ça change quand tu as... Le temps, tu vois, c'est coupé semaine A, semaine B, il y a des trucs qui changent, alors que quand tu regardes Pronote, il te met ta semaine à toi, et du coup, tu sais ce que t'as. C'est plus simple. C'est plus simple. Mais est-ce que ça vient en appui Est-ce que Pronote vient en appui du cours que fait le prof à l'école ou est-ce que Non, c'est complètement indépendant? juste pour les devoirs aussi, sur les devoirs. Quand D'accord. ils donnent les devoirs, ils les mettent sur Pronote. D'accord. Ouais, c'est vachement bien. Et donc, avant le confinement, tu travaillais déjà sur Pronote. Bah ouais, c'est le site. Ouais, donc t'as pas été surpris de retrouver du travail à faire sur Pronote. Non. Non. Mais il y en avait plus, quoi. Il y en a C'est moi plus. qui Ouais, bien sûr. faisais le travail à l'école. Ouais. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien. Et est-ce que c'est une bonne formule pour toi? Ou est-ce que tu préfères travailler sur Pronote ou avec ton prof? J'aime bien les deux, je sais pas, comme ça. T'aimes bien les deux? Et t'es à l'aise dans les deux. Ouais. T'es aussi à l'aise à l'école que derrière ton écran, sur ton ordi. Ouais. Ouais. Dans toutes les matières. Moi, moi. Hein? On dirait un corbeau. Tu vas voir, je t'enregistre, tu verras ce que ça fait. Hein? Ça peut être drôle quand tu fais le corbeau. Bon, mais ça, c'est bien. Bon, en fin de compte, ton confinement, comment tu le vis? Franchement, ça va. Franchement, Franchement, je suis tranquille, moi. c'est tranquille. C'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux dans le confinement par rapport à lorsque tu vas à l'école? Bah, tu peux dormir plus longtemps et tu peux te coucher plus tard. Ah, d'accord. C'est ce qui se passe pour toi? Ouais. Moi, tous les soirs, on regarde Bim. Après, on se coupe et hop, on se réveille vers 9h30, 10h. Là, aujourd'hui, j'étais super fatigué. Je me suis réveillé à 11h. Oh la vache. Ouais, mais alors attends, c'est que avec Pronote, ils savent quand tu vas te mettre en marche ou pas. Ils vont voir que tu t'es décalé dans le temps. Mais tout le monde fait ça, on s'en fout. Et c'est, On s'en fout. je crois qu'ils voient même pas si je suis là ou pas. C'est que si j'envoie un truc, mais ils donnent des devoirs sur la journée, la plupart du temps. C'est surtout pour Manon, parce que Manon, la plupart du temps, elle a des appels avec Ah, ses professeurs des fois. d'accord, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et alors, elle est à l'aise avec ses appels? Ça se passe bien? Bah ouais, je suis pas trop. Elle met son casque, elle prend l'ordinateur, casque, et des fois elle dit des trucs, mais voilà, ça dépend. D'accord. La plupart du temps, elle écoute, quoi. Elle D'accord. fait pas que de parler. D'accord. Et donc, alors, donc, c'est vachement bien, quoi, parce que Ouais. tu te couches tard, tu te lèves tard, tu fais plein de choses en dehors du temps de ton travail, et ça, c'est bien. Bah, tu sais que y a beaucoup de gens en France qui font ça. Bah, ouais, c'est plus simple. Bah, c'est l'occasion pour les gens eh ben, de rattraper un peu de sommeil. Voilà, c'est sympa. Bon. Et à part ça, ce confinement, alors ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que ça t'intéresse? Je sais pas. Ça dépend de quoi tu parles par à l'extérieur. Bah, ce qui se passe en dehors de chez toi, ce qui se passe dans les hôpitaux, chez les politiques, qu'est-ce qui t'interpelle, par exemple, quand tu regardes les actualités? Les gens qui font la musique par vidéo, ça là, j'ai vu, il y avait un orchestre, ils étaient tous en appel vidéo, ils étaient plein de petites images, on les voyait tous, tout un orchestre, c'était trop bien ça. Ouais. Oui, mais alors, tu sais comment ça a été fait? Alors, lequel t'as vu? Parce que y a plusieurs choses. Tu as. Allô? Jason? T'as Oui. disparu, je te vois plus. Ouais. Non, c'est là, je sais pas pourquoi, la copine de Manon qui m'appelle. Ah, la copine de Manon t'appelle et tu plantes ton papy. Attends, je vais dire à Manon qu'il y a sa copine qui l'appelle, comme ça elle va l'appeler sur téléphone de maison. D'accord. Manon? copine qui vient, il y a Lena qui vient de m'appeler sur mon téléphone. Moi, j'ai le téléphone avec ma fille. Appelle-la avec le téléphone de maison. Bon. Ouais, alors qu'est-ce qu'on se disait là? On se disait que ouais, tu regardes les actualités. Ah oui, tu avais beaucoup apprécié la prestation de cet orchestre. Alors, est-ce que tu sais comment ça a été fait? Alors, lequel t'as regardé? Il y avait combien de musiciens? Oh, j'en avais plein, j'ai pas compté, Bon. j'ai vu comme ça. Ouais. Alors là, il y en avait plein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un découpage de toutes, plutôt chaque musicien a joué sa partition. Indépendamment, si tu veux, chacun dans son coin, ils ont joué leur partition. Et après, tu as quelqu'un qui a fait le montage de tout ce bazar. Donc, mais c'est bien quand même. Ah, mais c'est vachement bien. Là, c'est du montage. Maintenant, il y a un autre truc que je racontais à ta mère. C'est un chef d'orchestre qui d'un petit orchestre. Hein, du... Léna, je crois. Léna, ah ben, je crois que j'ai dû me tromper parce que j'ai reçu des messages de... En fait, c'est Leïla de ma classe, je me suis trompé. Ah, c'est Leïla. Qui c'est, Leïla? T'as une copine? Ouais, c'est une meuf, c'est elle et je crois qu'on faisait un devoir en UNC, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ouais, alors, donc, comment dirais-je, je te raconte ce que l'autre orchestre que j'ai vu, qui lui, c'est un chef d'orchestre, qui a appelé tous ses musiciens, mais ils étaient 17 musiciens, et ils se sont mis en vidéo, tous sur Skype, et le chef d'orchestre, il a battu la mesure, et les musiciens se sont mis à jouer. D'accord. Donc. Il faut qu'ils aient une bonne connexion parce que sinon. Ah, il faut qu'ils aient une bonne connexion, tout à fait. Mais alors, ça a été fait en Serbie. En Serbie, tu sais où c'est la Serbie? Quelque part. Attends, j'ai. Alors, dis-moi, sans te retourner voir la carte. Où est-ce que c'est la Serbie? C'est. Je sais pas. Si tu devais y aller, tu passerais par quelle ville? Je descendrais au sud. Mais au sud de quoi? De la France? Ouais, mais peut-être un peu à l'ouest. À droite, c'est... Alors, tu descends au sud. Tu vas à l'ouest. Quand tu descends, tu es en France, hein? Si tu vas à droite, tu vas en Espagne, là. Tu vas pas en Serbie. Il faut aller à gauche. Tu vas en Italie. Tu vas par Venise. Et voilà, puis... voilà. Eh, ben oui, voilà. Mais attends, tu me dis... Côté Asie, quoi. Descends vers côté Asie, quoi. Ouais, côté Asie, mais c'est bien avant, hein, quand même. C'est... Voilà, par là, quoi. Voilà, par là. Ouais, ok. Bon, d'accord. Oui, alors donc, c'est un orchestre serbe qui s'est coordonné comme ça autour de Skype et ils étaient 17 à jouer. Superbe. D'ailleurs, tu pourras regarder. Tu tapes orchestre serbe, Skype, coronavirus, tu vas les retrouver. Bon, c'était de la musique classique, mais c'était très joli quand même. Bon, et alors, à part ça, qu'est-ce que tu vois d'autre dans le coronavirus qui t'intéresse quand tu sors de chez toi? Il n'y a rien d'autre? Je sais pas, moi. Tu sais pas. Le nombre de morts, ça t'inquiète ou pas? Il y a combien de morts par jour en France en ce moment? Je sais pas, c'est 100. Non, il y en a 400. Voilà, une centaine. 400. Ah oui, non, c'est pas une centaine, c'est 4 centaines. Ouais, très bien. 400, voilà. Et en Italie, il y en a 800, 900, 1000 par jour. T'imagines les enterrements et tout et tout? Et en Ils Espagne, n'ont pas le droit d'aller à leur enterrement. pardon? Comme ils sont confinés, ils ne peuvent pas aller aux enterrements. Ouais, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes pour faire le deuil. Est-ce que tu sais ce que c'est que de faire son deuil? Qu'est-ce que c'est pour toi le deuil? Ouais, quelqu'un qui est mort, après, c'est triste, hein, parce que, genre, tu peux. Pourquoi t'es Comment triste? expliquer? Pourquoi t'es triste quand quelqu'un meurt? Parce que c'était bien en sa compagnie. Tout à fait. Ouais. T'étais bien en sa compagnie. Et alors tu vas regretter qu'il soit mort, qu'il soit parti. Hein? C'est ça le deuil. Mais le deuil aussi, c'est la faculté qu'a l'homme ou la femme à faire son deuil, c'est-à-dire à petit à petit, non pas oublier que la personne est morte ou partie, mais c'est le fait d'avoir moins mal de ce départ, tu vois. Faire son deuil, c'est avoir moins mal, c'est mieux comprendre, c'est mieux accepter les choses. Et c'est important. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ils n'arrivent pas à faire leur deuil parce qu'ils n'ont pas pu aller à la messe, ils n'ont pas pu aller à l'église, ils n'ont pas pu aller au cimetière, ils n'ont pas pu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les morts, ils partent sans eux. Et ça pose d'énormes problèmes. Ça pose d'énormes problèmes. C'est très compliqué, ça. C'est très, très compliqué. Tu sais aussi que les hôpitaux sont en urgence sanitaire. Tu sais que c'est hyper compliqué, là. Il n'y a pas assez de lits pour les soigner, les malades. Ils sont obligés de faire des choix. On prend l'un, on prend l'autre, etc. Je pense qu'il faut que. Bon, sans que ça tombe. Je crois que j'avais vu qu'ils mettaient il y avait tellement de morts qu'ils les mettaient dans des patinoires ou des trucs comme ça, non? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais plus quel pays a mis ses morts dans une patinoire. Je ne sais plus, mais c'est récent, hein, c'est ce week-end, tu as vu ça? Ouais, moi aussi. Et tu sais pourquoi ils les mettent dans les patinoires? Ils sont trop. Non? Oui, bien sûr, il y a de la place, mais l'important, tu le mets dans une patinoire parce que, en fin de compte, tu as de la glace. Et les morts, il faut les conserver au froid, parce que sinon ils s'abîment, etc. C'est très très compliqué tout ça. Mais regarde un peu, sans que ça te traumatise, hein, mais regarde un peu, parce que c'est important de bien prendre conscience de tout ça, et de cette difficulté dans laquelle est le pays, quoi. Parce qu'il y a un autre bazar aussi à gérer. C'est que toute l'économie, elle est arrêtée. Et donc, si toute l'économie est arrêtée, eh bien, ça met des gens au chômage. Ça met des gens dans la détresse parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent à la fin du mois pour être payés, etc., etc. Et puis, après la fin du confinement, bah, faut repenser au redémarrage de l'économie. Parce que si tu veux bouffer tous les jours, faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de faire pousser des légumes, voilà, d'organiser l'alimentation de tout le monde, quoi. Il faut des camionneurs aussi pour transporter tout ça. Faut s'en occuper, quoi. Voilà, tout ça, c'est. Je crois qu'il faut t'intéresser à ça parce que c'est quelque chose. Je souhaite pas que tu aies à le revivre parce que C'est parce que la dernière fois que ça a eu lieu, est-ce que tu sais à quand a eu lieu la dernière grande épidémie? La peste. Ouais, mais alors la peste était en quelle année, tu te souviens à peu près quoi? Grosso modo. Je sais pas, 1700, 1800, Non, non? non. C'était 1300 ou 1400, je ne sais pas, c'est 1300, 1400. Mais la dernière épidémie qu'on a encore, que certains ont encore en mémoire, est-ce que tu sais quand c'est? Le sida? Non, c'est une sorte d'épidémie, tout à fait, ouais. Non, c'est pas le sida. Tu as, alors, dans les grandes pandémies, hein, la pandémie, tu sais ce que c'est, la pandémie par rapport à l'épidémie. Je savais pas, mais mes parents m'ont dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est mondial. La pandémie, c'est mondial. Ouais. Et donc, la dernière crise mondiale, c'était en 1918. Avec la grippe espagnole. Là, il y a eu, vais pas dire de bêtises, tu vérifieras, mais c'est un nombre de morts, il y a eu 50 millions de morts. Ça fait plus de morts. Faut vérifier ce que je dis, mais un chiffre énorme, ça faisait plus de morts. Là que pendant la dernière guerre avec les fours crématoires et tout et tout. C'est énorme. C'est énorme ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est... Bon, mais sinon, alors tu dis le sida. Comment ça se communique le sida? Comment tu l'attrapes le sida? Bah, par relation sexuelle. Ouais, tout à fait. Avec des gens qui sont eux-mêmes contaminés. D'accord? Bon, là, grosso modo, je crois dans le monde, il y a peut-être 10 millions de gens qui ont le sida, encore, mais qui sont vivants. Parce que, au départ, tu mourrais. Mais depuis, on a trouvé des thérapies qui soignent bien ces gens et qui, sans les guérir, parce que tu n'en guéris pas du sida, mais tu... comment dirais-je, tu peux vivre et dans des conditions tout à fait acceptables. T'es plus vraiment malade, quoi. Sinon, il y a... Qu'est-ce qu'il y a comme autre épidémie, mais cette fois-ci récente, dont tu as entendu parler, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ebola. T'as entendu parler d'Ebola? Ebola, bah, c'est venu par les singes, Ebola. C'est une maladie qui est arrivée par les singes d'Afrique. Et Ebola a tué beaucoup de monde en Afrique. Et tiens, si on parle de l'Afrique, elle est contaminée par le coronavirus, l'Afrique? Je sais pas, sûrement. Tu sais pas. Je sais pas du tout. Non, c'est vrai. Et... C'est un vrai problème d'ailleurs, parce que t'es pas le seul à pas savoir. Normalement, il y a moins de contamination que chez nous, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Si tu veux, parce que les moyens de diagnostiquer la maladie en Afrique, bah, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Ils sont démunis de tout, et on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et même dans les pays, bon, les gens savent qu'il y a du Covid-19, mais ils savent pas dans quelle proportion, etc., quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Et sinon, quel est le pays aujourd'hui qui est le plus malade? L'Italie? Non. Je sais pas. Les États-Unis. L'Espagne? Les États-Unis. Ah ouais, et ça c'est compliqué. C'est très très compliqué. Regarde un peu, c'est intéressant de voir comment va évoluer cette pandémie, de voir Et puis surtout, quand on va observer que, tu as vu qu'il y a une courbe. Il y a une courbe, l'épidémie démarre, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis à un moment donné, tu arrives au pic de l'épidémie, puis après, ça va redescendre. Beaucoup de travaux des scientifiques font en sorte d'essayer d'estimer quand aura lieu le pic de l'épidémie et à quel moment donné ça va redescendre. Parce que quand ça va redescendre, de quoi il va falloir s'occuper? Réfléchis un peu. Pardon? Ouais, d'avoir des médicaments, ouais, d'accord. Et puis quoi d'autre? Refaire marcher le pays. Ouais, il y aura à remettre le pays en marche, mais juste avant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? De diagnostiquer si les gens sont encore malades ou pas. Parce que si tu dis, voilà, demain matin, on va arrêter le confinement, les gens, ils vont sortir dans la rue. Mais s'ils sont encore malades, ils vont recontaminer encore la population. Donc, avant d'arrêter le confinement, il faut absolument être sûr que plus personne ne peut contaminer la population en allant au travail, en voyageant, en faisant ci, en faisant ça. Tu vois le bins à gérer? Bon, voilà. Bon, mais je pense que, tu vois, moi, j'ai grand plaisir à t'écouter parce que, en fin de compte, tu sais pas mal de choses. Mais je pense qu'il faut les mettre en. Toutes les choses que tu as, que tu sais, il faut te construire un lendemain. Il faut que tu te dises, voilà, qu'est-ce qui va se passer demain? Que tu te poses les bonnes questions pour savoir comment bien agir demain, quoi. Et puis, il faut que tu réfléchisses à savoir comment tu vas te coucher un peu moins tard, comment tu vas te lever un peu plus tôt quand on va sortir du confinement. Et ouais, mais ça aussi, c'est important parce que tous les gens, ils ont ce qu'on appelle un biorhythme. Et ce biorhythme, eh bien, bio, c'est la vie, et le rythme, ben, c'est le séquençage de la vie, et c'est. Le fait qu'on se couche tôt, qu'on se couche tard, qu'on se lève tôt, qu'on se lève tard, tu vois. Bon, il faut donc un bon biorhythme. Voilà. Bon, je crois que tu en as un peu marre. Je vais te laisser. Ça va? Mais quand je te vois, là, j'ai l'impression que tu commences à t'endormir, non? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Bon. À part ça, de quoi tu veux parler d'autre? Ah, t'as disparu. Je sais pas, là, j'étais en train de changer ma peau de caisse claire parce que elle était cassée. Et tu l'as percée? Ouais, sur le côté. Hein? Comment elle a pu se percer sur le côté? Parce que les baguettes ne vont pas là trop. Je sais pas, je sais pas. Et alors, tu sais le faire? Bah ça va, j'en ai repris une ancienne. D'accord. Et alors, tu sais la remettre? Bah c'est facile, ça va. C'est facile. Et tu l'attends comment? Avec un Ouais. outil spécial du batteur. Ouais. Qui s'appelle? La clé de la batterie, je sais pas. Allen. Ah. Allen. Non, je crois pas, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas une clé à Allen. Ah, bon. Ouais. Attends, c'est une clé comme ça. Attends, je crois que j'en ai une là. Attends, si elle est pas là, c'est pas grave. En gros, c'est une clé comme ça avec un carré là. Comme Ouais. ça. Eh Un ben oui. carré. Eh ben c'est des sortes de clés Allen, non? Ouais, ça ressemble. Bon, voilà, d'accord. Mais c'est pas, oui, c'est pas tout à fait la clé Allen. Ouais, t'as raison. Et donc, tu sais l'attendre. Et comment tu vas régler la tension? Comment tu vas savoir si tu es dans la bonne note? Bah, si je l'entends, je sais pas si c'est un bon son. C'est pas des notes, mais c'est ça s'entend, si. Tu fais ça un peu au pif. Bah non, je l'entends. C'est des fois c'est un son pas très beau, hein. Ah ouais, ça, je C'est tout sais. ma caisse claire, j'arrivais pas à la faire avoir un bon son. Elle avait un son toujours moyen. Du coup D'accord. là, peut-être quand je vais changer la, comme j'ai changé la peau là, je pense qu'elle va avoir un meilleur son. Ah super, c'est bien. Mais faut encore que je trafiquouille quelques trucs parce que la caisse claire c'est plus dur parce que faut que je règle aussi le truc qui est en dessous, le timbre en Ouais, dessous. tout à fait, tout à fait. C'est bien ça. Tu l'as déjà fait ou tu l'as ou pas ça, cette... Et je l'ai déjà fait il y a longtemps. La D'accord. caisse claire. Mais par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai changé les pots de tous mes tableaux. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Où est-ce que tu les achètes tes pots? Sur Internet, c'est moi qui les achète. Je crois qu'on les achète. Les trucs de batterie, on l'achète tout sur le site La Bagueterie. D'accord. T'as un site allemand qui s'appelle Thomann. Thomann, qui a beaucoup de choses pour les instruments de musique. Tu connais? Thomann. Thomann. Oman. C'est un site allemand. Et comme les Allemands, bah, ils sont très rigoureux. Ils ont beaucoup de stocks, beaucoup de choses. Et moi, j'achète. Bon, pas de musique parce que. Mais j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté chez eux? Oh, des accessoires d'ordinateur. Ils ont. Mais pour faire des ordinateurs de musique ou des choses comme ça, il y a des accessoires. J'avais acheté ça. C'est comme ça que j'avais connu ce site, Thomann. Bon, mon ami Jason, c'était très bien cette discussion avec toi. J'ai grand plaisir. Moi, ça me fait plaisir de discuter avec toi. Et toi, est-ce que tu as plaisir à discuter avec moi? Bah oui. Bah ouais. Bon. Est-ce que tu as des questions à me poser avant qu'on se sépare? Non. Non? Je sais pas, monsieur. Bon. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse régler cette histoire de solo de batterie, là, parce que ça me ferait plaisir de t'entendre, là, dans le morceau des Who. Et alors, tu vas essayer de mettre ça sur un autre support. Je m'en occupe. Tu t'en occupes. Voilà. Sinon, est-ce que tu as réécouté le solo de Dave Brubeck, là, de Take 5? Un peu, vite fait. Ouais, vite fait. Et est-ce que tu as vu les petites erreurs que tu faisais, toi, par rapport à Non, les... Hein? pas. Bon, non, c'était pas très. Voilà. C'était pas très quoi, je te Bon, vois plus. j'avais pas trop travaillé le solo. Ouais, mais c'était bien ce que tu avais fait, parce que... J'ai fait à peu près ce que j'avais entendu, mais j'ai pas trop travaillé vraiment. J'avais Voilà. fait Mais tu vas le refaire. Dans quelques... instinctivement. Hein? J'ai fait instinctivement comme Oui, ça. mais c'est très bien, mais c'est comme ça que ça commence. Mais tu vas le refaire. Hein, et puis tu vas le faire encore plus... avec plus de doigté, plus fin, là. Puis maintenant que tu auras retendu tes peaux, là, tu vas t'éclater, quoi. Et puis ça va me faire plaisir de t'entendre, parce que j'aime beaucoup t'entendre. Et puis ça me rappelle des bons souvenirs, tu sais. Mais bon, c'était il y a 50 ans, quoi. Hein? Même plus, 55 ans. Voilà, mon chéri. Eh ben, écoute, je vais te laisser. Je t'embrasse. Passe tout plein de beau temps. Allez, ciao. Eh, hey, au fait, quand est-ce qu'on cause? Vendredi. Allez, vendredi 17h, ça te va? Ok, allez, c'est noté. Salut, Jason. Passe plein de bon temps. Bravo. T'es au top. Salut. Salut, je t'embrasse. Au revoir. Voilà, fin de la conversation avec Jason. Nous sommes aujourd'hui le, je sais pas, le 31 mars, peut-être. Attends, je vérifie à quel jour on est. Est-ce qu'on est le 31 mars? Ouais, 31 mars. C'était avec Jason. Moi, j'étais à Auray et Jason était à Beson. Voilà, salut. Au revoir.